L'alternative urbaine. Défricheur des musiques urbaines sur la scène montréalaise, la 12e édition du festival MEG Montréal, présenté par Mirror, revient cet été du 29 juillet au 1er août avec une programmation des plus alléchantes. À l'affiche, plusieurs soirées exceptionnelles, dont une virée inoubliable sur le fleuve Saint-Laurent à bord du Tony Truant MEG Boat. Venez découvrir des talents locaux des plus prometteurs et des artistes récemment consacrés sur la scène internationale, dont plusieurs premières canadiennes. Sautez sur une occasion unique de découvrir ou redécouvrir des artistes comme Blackstrobe, Holy Ghost, Birdie Nam Nam, de Joan McLean DJ Set, Black Devil Disco Club et bien d'autres encore sur megmontreal.com. Incroyable, je prends un petit peu de votre temps avant de commencer l'émission officiellement pour vous présenter un nouveau produit que j'ai découvert. Ça me fait vraiment plaisir d'être le porte-parole, on va tout mettre ça dans le même bloc. J'ai entendu Bruno être triste la semaine d'avant, il était triste car l'eau lui était trop froide et ça lui faisait mal aux dents. C'est là que j'ai été frappé, j'ai inventé le Geronimo's Easy Water Heater, la solution aux abreuvoirs trop réfrigérés. Vous n'avez qu'à brancher le Geronimo's Easy Water Heater dans une prise de courant traditionnelle, visez le réceptacle de réception avec le jet de l'abreuvoir et portez la paille à votre bouche. Avec le Geronimo's Easy Water Heater, la cavalerie n'arrive jamais à dents. Paille de fantaisie vendue séparément, bien sûr. Très beau produit, je vous conseille d'aller voir ça. Distribué par Gimmick International? Ah non, distribué par Fonds Pitié International. Téléthon International. Vas-y Bruno, en manchette. D'accord, alors bonsoir, en manchette. Ce soir, on parle de dinde, de hold-up et d'autres personnes au quotient divergent qui devraient éviter tout contact avec l'extérieur. Yann Godbout, on s'excuse d'avoir coupé ta toune avant l'émission. Vous êtes à 70% de possibilité d'orage. Des fois on a des invités, puis d'autres fois on n'en a pas. 70%, c'est pas très très constant. On parle de marque en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy qui joue au Magic Zelda dans un band de punk. 70% de rejet à la radio. Oh oh oh oh oh. Tout le monde est content. Hey, gros show ce soir, il a fallu faire de la place. On a mis dehors tous les collaborateurs, les moyennement récents, pour avoir une écurie vide pour mettre les nouveaux poulains, c'est-à-dire Stéphane Kensetti. Bonjour, bonsoir. Il dit bonjour, bonsoir. On a bien sûr Cédric Taillon aussi, jeune, fringant, la recrue de l'année à date. Ouais. T'attends-tu à une grosse performance ce soir? Un honneur, il dit. Et puis bien sûr, les deux fossiles, Bruno Corbin à la face et puis Tommy Godette sur le pile. Moi, j'ai amené aussi, vous voyez, c'est mon cousin hier, Andy, qui m'a donné un sac à surprise. On va l'ouvrir tantôt, on va avoir plein de surprises. Ça va être assez fabuleux. J'ai ramené les bouctouches pour peut-être provoquer le coma chez mes collaborateurs. Cédric a regardé ça hier et puis du haut de son œil d'expert, il a trouvé des affaires. Affaires qui... je me suis imaginé la dynamique entre brûler... Ouais, Mike. Et puis le nom de l'artiste? Oh, c'est Martin Machin. On Martin va checker ça Machin, tantôt dans l'émission. Là. Wow. Oh, oui, puis sinon, toi, tu nous parles de quoi en particulier, Cédric? Ben moi, j'essaie de maintenir en vie l'idée de Julien en vous parlant de quelque chose qui est semi-BD. Les comic books des États-Unis dans les années 90. J'ai fait un ramassis, là, j'ai rentré dans ma collection, puis j'ai sorti des petits bijoux. Là. Ouais, il n'y a pas à dire. Bruno, toi, c'est fait. Puis Stéphane, tu nous ramènes quoi? T'es-tu retourné à Fantasia? Il y a deux choses dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Il y a Je vais vous parler du grand-papa du Gore qui s'est présenté en personne, là. Alors, il s'appelle, croyez-le ou non, Herschel Gordon Lewis. Et entre autres, grâce à un film vraiment remarquable, Blood Feast, il a créé un genre. Oh boy, c'est vieux ça, avec la déesse égyptienne, là. Oui, oui, absolument. Ouais. Donc, il y avait un programme double. Il y avait le documentaire et le film qui a été présenté sur grand écran. Et j'aimerais aussi vous parler de l'origine du mot psychotronique. Et voilà, grosse chronique. Ça va être découpé en deux blocs. Moi, de mon côté, Oui, contrairement à Bloodfist, où on était découpé en plusieurs petits blocs. Moi, j'ai Les Aventuriers du Système solaire pour vous ce soir, version française de Solar Adventures. Pouache. On est allé aussi à... Ah ouais, c'est quoi ça? C'est le Donkey Kong Country 2 Overclocked Remix en background. Pas oublié aujourd'hui, il me semble. J'ai écouté le show la semaine passée, puis c'était fade avec pas de tonnes de jeux vidéo en arrière. Mm-hmm. Je trouvais ça un petit peu décevant, là. Fait que là, on a décidé de régler ça. Tu sens plus game à soir. Hey, tout. Il est inarrêtable, lui. sinon, c'est quoi? Ouais, on est allé à Sherbrooke. Il va y avoir un nouveau chapitre de douteux.org à Sherbrooke. Les personnes ont accédé à nos conditions. Condition que je vais déglutir là, tiens, avant de m'écouter trop parler, là. Un chapitre de douteux.org doit toujours respecter ses règles. Un, tous les lundis, tout le temps, en cas de hockey ou dans un endroit avec une seule pièce ou une game de bingo, ben c'est juste après. L'entrée est gratuite pour tous, tout le temps. Le projectionniste ne pourrait être payé qu'en produits et services, jamais en argent. Son travail en est un bénévole, sa motivation est indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. 4. Un chapitre de douteux.org doit faire jouer au complet chaque lundi le film gagnant voté sur le site de douteux.org. Autrement dit, c'est nous autres qui décident. Non, mais votez. Non, non. Wow. Les gens auraient pu voter pour Michael Paris, mais ils ont décidé de voter pour les aventuriers du système solaire. Pauvres autres. Ouais. C'est vrai. on l'avait écouté, celle-là, dans le temps. Ouais. C'est beau, ça. C'est les extraterrestres communistes. Il y a une de mes phrases préférées dans ce film-là, ever. J'en ai reparlé tantôt. Sinon, on va commencer l'émission avec une chanson de Mathieu Bouffard. C'est son prochain album qui s'en vient. J'ai oublié comment elle s'appelait, là. Sûrement qu'il va le dire dedans. C'est-tu 70%, ça? Fait qu'on écrit quoi sur la feuille de route? On écrit Mathieu Bouffard Rules. C'est bon. All Étienne, right. T'as entendu ça? 70%. All right, on est parti. Je veux pour tout ce que t'es, je veux students. Over the past week, there's been a lot of confusion, and so we have asked for this assembly to clarify the difference between goth kids and vampire kids. Let us make it abundantly clear. If you hate life, truly hate the sun, and need to smoke and drink coffee, you are goth. If, however, you like dressing in black because it's fun, enjoy putting sparkles on your cheeks and following the occult while avoiding things that are bad for your health, then you are most likely a douchebag vampire wannabe boner. Because anybody who thinks they are actually a vampire is freaking retarded. Fuck all of you. Slaves built the pyramids. Slaves built the Parthenon. Slaves built America. Slaves, this is your song. Thank you. Slaves. Thank you. Slaves. Thank you. Slaves. Slaves. This is your song. Thank you. Slaves. Slaves. Slaves. Slaves. Slaves. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Bonsoir tout le monde. Alors en 2004, Ralph Dubs avait accusé ses voisins Robert et Jennifer Kipple d'avoir volé 7 dindes sur sa propriété, dindes qu'il considérait comme des animaux de compagnie. Les dindes se promenaient librement sur le terrain de Dubs, allant déféquer sur le terrain des Kipple, faisant peur à leur fils et causant des problèmes de circulation sur la rue. Après une plainte à la police, un officier avait affirmé que Dubs avait libéré les dindes et avait offert de les attraper puis de les tuer. Les Kipple avaient alors emmené les dindes à une réserve d'animaux sauvages pendant que Dubs était absent. Dubs a alors appelé la police qui a arrêté les Kipple. Ils auraient passé 10 heures en prison, selon les témoignages. Le juge avait finalement donné raison aux Kipple. Les Kipple ont ensuite poursuivi Dubs pour de fausses accusations qui ont mené à une arrestation injustifiée, l'humiliation publique et de la détresse émotionnelle qui a poussé Robert Kipple à l'abus d'alcool et Jennifer Kipple à prendre des somnifères et des antidépresseurs. Puis, en mai dernier, après 5 jours de témoignages, les jurés ont donné raison aux Kipples qui recevront 4,25 millions de dollars en dommages et intérêts. Plus une dinde. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec les dindes. Non, mais la morale de cette histoire, c'est... Faut pas avoir des dindes. Ben, c'est qu'ils se sont plaints de la mauvaise publicité que ça a faite, puis c'est pour ça que la nouvelle a fait le tour du monde. Là, ils ont de l'argent. Ouais. Là, ils ont de l'argent. Astique, le monde est beau, man. Hey, only in America, baby. Hey, amène-en une autre, là. Amène-en une autre. Les capos, mais là, 4,20... D'accord, on continue avec des affaires bizarres. Paul Hartness, 37 ans, de Boynton Beach, en Floride, a été accusé d'avoir fait un faux témoignage rapportant un crime après avoir appelé la police, affirmant qu'il était en train de violer un garçon de 15 ans dans un hôtel Days Inn. La police a fouillé tous les hôtels de la région avant de retracer la pile à sa résidence. La police l'a retrouvé sur les lieux, il a été arrêté. Hartness a affirmé à la police qu'il avait fait l'appel parce qu'il s'ennuyait et qu'il n'avait pas vraiment violé un garçon de 15 ans. La police affirme que Hartness s'est déjà comporté de la sorte. En mai 2005, il aurait appelé la police de Frederick City au Maryland, affirmant qu'il était dans un camion blanc et était sur le point de violer un garçon de 16 ans. Et en septembre 2005, il aurait appelé la police de Nashville, Tennessee, affirmant qu'il était un homme de 23 ans ayant besoin d'informations concernant la possibilité d'avoir des relations sexuelles avec des gens de 16 ans. Ben, s'il va en prison, il va peut-être en avoir pour son argent. Ouais. Sacrifice. Puis là, la police, mettons, ils ont pu retracer l'appel, ouais. Mais ils ont fait le tour de toutes les... Ben fait... oui! Ouais. Bravo, la police. C'est des drôles d'hommes. Bonjour, la police. Ouais, c'est... Ouais. Me semble, tu check. Ouais. Hey, ça fait 8 hôtels. Là. Rappelle-la, elle m'a dit c'était quoi l'adresse. En tout cas, hey, on s'en va voir. Merci beaucoup, Bruno. Hein. Un plaisir. Tu sais comment que j'aimerais ça te donner des coups de pelle puis que ça change de quoi des fois. Ah, faire le messager, c'est pas facile. Non. On va en reparler tantôt de la souffrance de la vraie. Cédric? Ouais, wow. Amène-nous au monde des coups de pelle, des coups de pelle. Ah, OK. Ok, il hey, faut. Ouh. C'est des métaphores. Ah! C'est ça, c'est ça. L'appel de la fraternité. Faut me le dire, moi, je suis très. T'es un artiste peintre. Ça, entre autres. Ça explique bien des affaires. Hey, c'est en comme passant, de... là, je ne serai plus que ça. Là. Demain, je commence mon apprentissage de tatouage. Fait que là, je fais un call. Call for bodies. Dans un mois, là, venez me faire tatouer. Là. Vous allez être mes cobayes. Bon, ben, okay. Voilà. OK. C'est wow. Bon, toi aussi. Oh. Fait que, OK. Bon. Moi, je m'enligne, là, pour... parce que, comme pas mal tous les gens de mon âge qui étaient cool, ben, je suis tombé dans les comic books quand j'avais à peu près 12 ans, là. En fait, non, on était pas cool, on était des geeks, mais c'est pas grave. Dans à peu près tous les comic books, si je ben, regarde ta fille. Chris, ouais, la panoplie, là. Mais ce sont toutes des années 90. Moi, j'ai commencé ça à peu près en 93, 94, peut-être. Puis c'était un nouveau temps pour les comic books. Ben, tu sais, tous les gros noms, ça faisait déjà des années qu'ils étaient là. J'ai amené des exemples de moins gros noms des années 70, admettons, en premier, là. Arion, qu'on a, le Lord of Atlantis. Ouais. Of Atlantis. Puis je shoot des Namor boules de feu, fait que ça fait pas trop de sens. Là. Ouais. Namor. Genre, moi, je le trouve tellement hot, je le copie. Mais c'est ça, c'est par DC, ça. Puis on en a un de Marvel ici qui s'appelle Night Mask. Masque de nuit. Ouais. Voilà. Il y a des yeux en forme de coquillon. Il y en a le même genre. Les deux semblent être un peu dans le même genre de mythologie. Ils sont en spandex, super tête. Ben, il y a, lui, il y a comme une espèce de. À Arion, il y a comme une espèce de suit en spandex. Ouais, qui est comme un full body suit bleu en spandex. Mais il y a comme l'espèce de petit relief qu'on retrouve sur certains jackets de motards au niveau c'est des ça. Pectoraux. C'est vraiment. c'est superbe. Puis j'ai amené aussi Cage. Cage, voilà. Ouais, que toi t'as bien trippé. Ouais, African-American. Ben ouais, l'emblème du black, finalement, là, le shaft avec des superpowers. Là. Mais j'ai un exemple de ce que c'était dans le temps, avant que ça vire en fou dans les années 90, quand moi j'ai embarqué. On a un Cage de, ça doit être fin 80, là. Ah, 92, c'est pas si pire, c'est au début. Mais on a ici, tu sais, Cage, ben normal, le super-héros dans le milieu du cover, avec tout ce qui pourrait se passer dans le comic autour de lui. Comme en position de ben ouais, constipé, c'est, là. Ouais, c'est ça, là. Oh, je force, je pète des chaînes. Ouais, c'est ça, il pète des chaînes en puis il a son page. Petit costume un peu glamour des années 80 encore, là. Ouais, puis les méchants, c'est comme tous des pimps, c'est là, ça, avec du bling, c'est vraiment ah ouais, cool. Mais on a le nouveau Cage de la série Max de Marvel. Max, c'est... ben Marvel dans les années 90, là, ils se sont diversifiés. Là, c'était une grosse machine à cash, comme toute l'industrie du comic book. En fait, ils sortaient n'importe quoi pour faire du cash. Ils ont sorti une série qui est 18 ans et plus. Puis, je sais pas si vous vous rappelez, ben, ça existe encore, là, mais quand les albums de Korn et de Limp Bizkit sont sortis, il y avait Parental Advisory, Explicit Content. Puis ça, là, quand tu avais ça sur ton CD, là, au milieu des années 90, tu vendais plus. Ils ont fait la même crise d'affaires avec les comics. Là. On a le Cage de... Attends, c'est quelle année, ça? Je sais pas trop. Fin des années 90, hein? Ah ouais hein, on voit ouais. Le bling ouais, est arrêté. Là il est là, il est marqué Cage en diamant sur son ça, chest. C'est juste un gros chest black avec des trous de balles dedans. Avec un gros bling, ça fume encore les trous ça de balles. Ça fume encore avec un 8. C'est quoi, c'est un 10 pack? Combien il y a de... C'est un 6 pack. C'est un 6 pack. Ah ouais. Oh, mais un gros. Là. Oh, oui. Puis il y a des gouttes de sueur, là. Oh, et puis il y a l'autre cover ici quoi, avec c'est son. C'est pas la fiche de l'entrepôt, ça, à la place? Genre. Ouais, ben c'est ça, fait que Max, ben, tu sais, c'est sûr que quand t'avais 14 ans, là, tu te garochais là-dessus pour. pour voir du cul puis du sang puis c'est comme une espèce affaires, de DC Vertigo mais version ouais. C'est Marvel. Ouais, ça doit être 2001-2002. Ça, ça c'est ce que Marvel a fait en fait après que Image soit sorti. Puis là je vais en parler justement là de Image. Image ça c'est Gen 13 ouais. Avec le retour des pin-up. Gen 13, Wildcats, Spawn, Savage Dragon puis eux autres aussi en fait ce qui s'est passé. Ça c'était là. Bon Savage Dragon. Mais toi tu l'avais à TV ça. Non mais ben, j'ai vu les BD ouais. aussi. Ouais. Mais c'est ça c'est que Image Comics, c'est finalement, là, je sais pas si vous connaissez l'histoire de Disney, mais Disney, c'est une grosse compagnie. Mais hein, ils ont ABC. Mais oui, mais je veux dire, de la manière qu'ils traitaient leurs employés. Quand tu travaillais chez Disney, il y a eu une grosse controverse avec Tim Burton pour ça. Il travaillait chez Disney, puis il avait son petit sketchbook à lui, puis il a fait des dessins qui ressembleraient peut-être, ben en fait, définitivement à Nightmare Before Christmas. OK? Puis là, quand il a sorti ça de lui-même, genre... Disney l'a poursuivi parce qu'il avait dessiné ça pendant qu'il travaillait pour eux. Toute idée, finalement, qui sortait de toi pendant que t'étais chez Disney... Fallait que tu demandes à CEO si t'avais le droit d'en parler. Disney, ouais. Fait que Marvel puis DC, les deux grosses compagnies, c'était la même crise d'affaires dans le temps. Puis à un moment donné, il y a des bons artistes qui avaient leurs propres idées, puis ils ont fait comme « Fuck you à The Man », qui était Marvel et DC, puis ils ont starté leur propre compagnie qui s'appelait Image. Puis quand ça s'est sorti, il était super edgy. Il y avait Spawn, qui était un doux de mort. Oui, c'était le gars qu'il fallait qu'il tue du monde pour... Ah ouais, puis eux autres. Ils ont fait un deal avec Satan. Ouais, tout, ouais. Pas vraiment avec Satan, mais quasiment, ouais. Satan de Satan. Il y avait le compteur ça, là, qui descendait. Ouais, je suis au dixième. Ouais, c'est son niveau d'énergie. Fait que ici, j'ai en fait le Spider-Man fait par Todd McFarlane dans le temps qu'il travaillait pour Marvel. Pour Marvel. Pour juste comme un exemple de qu'est-ce qu'ils faisaient eux autres quand ils étaient à Google's Company. Il y avait Todd McFarlane, Jim Lee, Rob Liefeld, juste une douzaine de dudes qui ont juste pogné un studio à quelque part puis ont commencé à sortir des comics. Là. Puis eux autres, genre, c'était des grosses prostituées là, quand ils sont sortis. Là. Ils sortaient, là, quand ils ont vu que ça marchait, leur nouveau Edge, tu sais, puis qu'ils avaient dit « fuck you » à Marvel puis DC, ben le monde, ils ont commencé à sortir tout plein de noms, puis je vais en parler dans le prochain segment. Là. Puis tout plein de cover flash, c'était la mode là genre ici j'ai un Wildcat, c'est un bel exemple là, ben, parce que, lui comme on ça, a dit le compteur traditionnel un peu, le compteur il en perdait genre 500 par album jusqu'à temps qu'il fasse juste plus le mettre puis qu'on le voit plus puis c'est tout. Ben ouais. Ben c'était vraiment ici j'ai un Wildcat en 3D hein. On veut vendre ça à le plus de monde possible. Oh, wow. L'histoire est pas très très bonne là, mais ça a sûrement dû vendre à cause que c'est en 3D. J'ai un Wildcats Trilogy, tu sais, tu mettais des numéros 1 pis des numéros 0 sur tout, là, dans le temps, là. Fait que là, il est flashy, là. Il est fait en espèce d'aluminium, là, pis là, ça, c'est sûr mais que ça va. Mais c'était peut-être ça, le truc aussi, hein. C'était comme de repartir une nouvelle série qui était pour pogner dans 40 ans pour avoir un numéro 1. Ouais, parce que c'est dans ça. Le temps que, mettons, la BD qui valait le plus cher, c'était genre le premier de Daredevil qui valait... Oh, le numéro 0! Oh, le numéro moins 1! Hey, attention, ça finit plus, ça, c'est normal. Puis le hype aussi autour de la mort de Superman, que dans le fond, il était pas mort pour vrai. Là. Hey, ça, j'ai un super bon... C'est le fun que tu mentionnes ça, parce que j'avais amené un comic qui fitait pas trop dans la panoplie, là. Mais c'est les aventures de Superman Doomsday. Et Doomsday, OK? Mais Doomsday, je voulais en parler. J'ai juste sorti ça de la boîte, juste parce que... Je trouve ça super intéressant comme bad boy vilain là. Doomsday a reçu d'une planète où c'est un scientifique genre qui a décidé de faire une expérience. Il a mis un bébé genre dans la nature super sauvage là, plutôt savage. Ouais, d'une grosse planète de sauvage. De la planète, ouais. Puis là le bébé, bien sûr, il se fait tuer, mais il est allé ramasser des cellules. Du corps mort du bébé, puis il a recloné le bébé, puis il l'a ressacré dans la jungle. Puis il a fait ça pendant 100 années à chaque jour, puis fois le bébé, ben genre il survit un peu plus longtemps. Il naissait plus fort, genre. Il apprenait de ses autres. Puis un moment donné, après 100 ans, ben. Il a tué tout le monde sur la planète. Il a tué le scientifique aussi. Attends un peu, un scientifique fou qui perd le contrôle de son invention. Ben voyons donc. C'est une bonne idée. ouais, Superman et Doomsday, puis ben c'est ça, écoutez, mais si on continue à Image, là, Cyberforce, avec Ripclaw, qui est finalement, là, Wolverine, sauf que c'est, ouais. ses patentes sortent pas de ben, ses mains, c'est ses doigts. Il y avait, est-ce que Rip, attends un peu, Rip Claw, c'est lequel, celui-là, là? Il était, il est tout seul dans la vie, lui, Rip Claw? Non, il est dans Cyber Force. Lui, il est dans Cyber Force. Ouais, mais il y en a un autre qui est dans Wildcats aussi, qui est pas mal pareil. Ouais. Ben, celui dans Wildcats, plus tard, là, vu qu'ils ont sorti Rip Claw, ils ont décidé de faire celui dans Wildcats. Pouvoir transformer tout son corps là, en n'importe shape. Mais Ripclaw, lui, il reste avec des mains qui sont des couteaux. Là. D'accord. C'est un peu poche quand t'as envie de... Je sais que Alan Moore avait fait une run de Wildcats aussi, à un moment donné, que j'ai jamais lu. Ça veut dire que c'est excellent. Ben, pff, selon lui. Mais vous voyez, les Midge, ils ont whoré au bout dans tous les médias possibles à sortir des produits... pas trop hot, là, l'émission Savage Dragon, l'émission Wildcats, tous les jouets de Spawn, puis tout. Mais ils ont aussi pris des émissions, puis ils en ont fait des comic books, G.I. Joe, The Real American Hero, ici, number one, baby, numéro uno. Numéro uno. Ça vaut rien, ça, cette merde-là, parce qu'ils en ont sorti 15. Hey, Cédric, merci ben gros, ben on va revenir dans l'émission, parce que là, on est rendu à 7h26. Et 7h26, on vous l'a gardé, c'est l'heure à laquelle on va aller rejoindre notre correspondant à la Cour de justice de Montréal, parce que le jugement va être rendu dans l'affaire Simon Préjean et la censure blabla, là, le fait qu'il y a des affaires à dire, mais qu'il n'y a pas grand monde que l'univers ça les intéresse contre de l'écouter. Simon Préjean. C'est ça. Fait que on va écouter ça. Est-ce que vous êtes présent, Monsieur Préjean? Simon Préjean, Préjean. Membre jury, quel est votre verdict sur la culpabilité de Simon Préjean? Nous jugeons M. Simon Préjean coupable à tous les chefs d'accusation. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Alors, M. Préjean, auriez-vous quelque chose à déclarer avant de savoir votre sentence? Est-ce oui, votre horreur? Jamais je manquerai une occasion de dire ce que je pense, Walvert. Allez, vous écoute. Ben, laissez-moi vous dire une affaire. Vous êtes juste des a*** de mange-marde. Quand même que vous me remetteriez à derrière les barreaux, ça changera rien, pantoute. Parce qu'en m'enfermant, c'est vous-même que vous censurez. Je suis votre reflet, je dis à voix haute ce que tout le monde pense tout bas, pis ça vous dérange. On est la même personne, pis au lieu de l'admettre, c'est-tu, de vous libérer vous-même de l'emprise, de la bienséance et de la peur du plus fort, vous préférez mettre un drap noir par-dessus ma cage pis me serrer dans le fin fond du grenier pour plus jamais en entendre parler. Vous êtes pas courageux, toute une gang de pétoncles. Mais je sais plus pourquoi je me bats. Les gros patrons vont toujours gagner parce que c'est eux autres qui font les lois. C'est comme jouer avec des tricheurs qui changent constamment les règlements du jeu à leur avantage. Et à mesure que la partie avance, ça mène tout droit dans un cul-de-sac. Vous nous donnez le droit de manifester dans les rues pour faire les caclounes de nous autres. Mais aussitôt que ça devient sérieux, vous sortez les tanks dans les rues pis les soldats arrêtent n'importe qui. Comme dans la crise d'octobre, si je m'attaque autant à Nathalie Mort, c'est parce qu'elle représente ce que vous êtes, mes chers compatriotes. Des petites victimes. C'est ça que vous êtes, des victimes. En m'acharnant sur le symbole, que dis-je, l'icône de la médiocrité que Nathalie Mort et ses produits dérivés. C'est sur tout le monde que je crachais, puis en même temps, parce que vous êtes mou, hideux, flasques et sans intérêt. Vous gagnerez jamais rien parce que vous essayez même pas. Ça veut changer le monde, mais ça va même pas voter. Maudite gang d'innocents. Arrêtez de pleurnicher pis faites de quoi. Vous allez perdre, mais au moins essayez, Simonac. Garder toute cette colère en moi était impossible, votre laideur. Mon seul tort a été de dire ce que je pense. Je pensais qu'on vivait dans une société qui avait le droit de la liberté d'expression pis tout, là. On a du mal à m'informer, votre puanteur. Mettez ça sur le dos de mon éducation minable. Mais insuffisante. Quand même que vous m'enfermiez dans votre cachot, les grands patrons vont continuer à magouiller des lois ridicules pour voler plus d'argent d'un portefeuille de contribuables honnêtes, comme Pierre, qui va se faire saisir sa maison parce que même à 60 heures par semaine, il est plus capable de payer un toit convenable pour abriter sa famille. Surtout depuis que Bell s'est trompé sur sa facture d'Internet, puis qu'Hydro-Québec a augmenté ses prix. Fait que là, sa femme est obligée d'aller s*** des gars pour payer l'éducation de ses enfants, qui vont finir anyway par vendre de la drogue un jour ou l'autre, puis qui vont se faire assassiner d'une ruelle par le pimp qui s'occupe de ramasser l'argent gagné par sa mère, pogné pour dormir dans son char, puis qui se fait ravager comme un tsunami. Ça va encore finir en divorce. Pierre est pogné pour aller dormir dans le char pendant que la mère reprend la maison, mais pendant qu'il fait un téléphone, Pierre se fait voler son char, puis la compagnie d'assurance qui le crosse d'aplomb puis qui lui donne pas de maudite scène sous prétexte que ça compte pas s'il utilise l'auto comme une maison. Pendant ce temps-là, sa fille qui vit avec sa mère qui est rendue sur l'héroïne la moitié du temps puis seule le reste de la journée, ben elle commence à faire comme sa mère puis à se p***er des gars en cours d'école. Le directeur la pogne puis il demande de faire la même chose. Évidemment, la petite qui a peur dit non puis elle se débat, tu sais. Fait que le directeur se venge en appelant la DPJ qui la déménage dans un orphelinat de bonne sœur, qui vont la battre, puis entre les séances de massage suédois avec le curé de la paroisse, la brainwashing des platitudes de psaumes de marde sur un gars, man, sur une croix en bois, fait pitié comme ça, pas d'allure. Le Vatican regarde tout ça sous silence parce que la pédophilie, tu sais, c'est mal vu auprès de ceux qui le font pas. Fait qu'ils nous font croire n'importe quoi du haut de leur tour d'ivoire, de l'ivoire chassé par un autre braconnier à sa mère de fuck qui travaille pour un gars qui finance la promotion de la viande, mais aussi des armes à feu parce qu'il en faut pour chasser. Comme c'est compliqué, ça, ils achètent ces marchés noirs à la place, la même gang qui fournissent aux motards pour aux gangs de rue, pour qu'ils puissent se battre un contre l'autre, pour qu'ils croient qu'ils ont le pouvoir de la drogue pis du vice à Montréal, qui financent le tout croche en cravate, qui bâtissent leur grosse navette spatiale tout en nous fabriquant des routes de marde, qui font en plus de victimes chaque année comme Pierre. Pierre qui est resté pogné en dessous d'un viaduc en allant payer ses comptes d'impôts en retard. C'est un cul-de-sac. Y'a rien qu'on peut faire, je vois le faire. Y'en aura jamais de chum, pis on aura jamais un pays, parce que les Québécois sont pas capables de rien faire tout seul, sauf se faire fourrer. Alors si je suis obligé de vivre dans cette de dépotoir pourri sale où fais-toi le vice et la décadence, l'ignorance et les préjugés, la haine et la violence, la pauvreté et la faim, la misère, l'injustice, la noirceur et la mort, tout ça sans voir la liberté de me plaindre et d'oser espérer des jours meilleurs. Eh bien, dans ce cas, tuez-moi. Faites couler mon sang de travailleur miséreux qui ne connaîtra jamais la liberté de ses paroles, de ses pensées, de ses actions et de ses rêves. Toute ma vie, vous m'avez crasé avec les faibles. Aujourd'hui, j'implore votre pitié. Achevez-moi. J'ai plus la force de combattre. Tuez-moi, puis débarrassez-vous de ma carcasse pour de bon. Remplacez-moi par la jeunesse pleine d'espoir, par vos machines puis vos fusées. Mes rêves sont tombés en poussière. Il est temps pour moi d'aller les rejoindre et faire la paix avec la mort. Vous aurez mon sang sur vos mains et rien ne pourra l'effacer. Je resterai à jamais votre pire cauchemar. Même caché derrière vos mensonges et vos masques, je serai toujours là, tapis dans l'ombre, au fond de vous, réprimé, repoussé et bâillonné. Vos douleurs sont miennes, car je suis votre douleur. Vous avez peur et vous aurez peur toute votre vie. Car telle est la volonté. Bon, ça suffit. Je considère que vous avez terminé, monsieur Brett. Censure! C***** de pingouin avec ta moumoute de castafiore de ta Monsieur Predge, je vous déclare coupable de vandalisme, attentat à la pudeur, harcèlement psychologique, vulgarité, grossière indécence, violence physique, violence verbale, refus d'obtempérer, résistance à l'arrestation, outrage au tribunal et j'en passe, parce que j'ai pas rien que ça à faire. Alors je vous condamne à être enculé au pied du mur et que cette sentence soit exécutée dès ce soir. La cour est levée de côté. Hey boy, sacré tourne. En tout cas, les événements, on les a pas vus s'en aller dans cette direction-là. On est surtout pas avec toi présentement, Simon Préjean. on va à sa mémoire écouter une des chansons qu'il préférait entre toutes. Et pour toi, Predge, on revient à 70%. C'est quoi ça? C'est le téléphone. Bon, on va... oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. C'est qui? Ah, c'est 70%. Bienvenue à 70%. Bienvenue! Bonjour. C'est Andy. Hey, salut Andy. T'avais-tu de la sagesse à passer? Ah, tu m'appelais pour que j'ouvre ton sac à surprise. Ben oui, puis je me suis dit qu'un petit peu de bonheur dans toute cette merde, ça serait peut-être une bonne idée. Parlant de ça, Fred, j'y viens d'y passer. Là. En tout cas, c'est vraiment les mots doux surprise. Là, peut-être qu'on va dire mon doux. Oh, il y a du mauve. Il y a du mauve. J'ai un tas de nounours. Oh. J'ai des cigarettes Popeye. Check ça, le crayon avec une espèce de tomahawk. Ah non, c'est Anna Montana, ils m'ont eu. Ah ben. C'est ma préférée. Merci, Andy. Hein. J'ai des petits bonbons bazooka ici, de la bubble juice. Écoute. Bubble juice? Pépite de gomme. tiens, tu vois, un bracelet. Qui yes, ça, c'est bon, non, ça. C'est pas un bracelet, c'est un collier. C'est un collier, ouais. Ouais, j'avoue. Ouais. Regarde, on va c'est tout. Manger ça. Moi, après avoir écouté ce qu'après j'ai écrit, là, ben, je suis contre ça. Moi, c'est pas vrai que le monde fait de la merde. Ah, fait que j'ai acheté une belle, un beau sac à surprise. Excellent travail en défensive, Andy. Merci bien gros. Hein. On va se revoir. Comment t'as dit? Ça m'a fait plaisir. On va se revoir tantôt au brouhaha, mettons. T'as-tu une dernière phrase de sagesse? Vive la sagesse, là, pas vraiment. Hey, ça, c'était plein d'inspiration. Ben, merci beaucoup, Andy. Hein. On s'en va écouter justement une des chansons préférées de Simon Préjean, notre nouveau, notre plus récemment décédé ex-collaborateur. Moi, il est juste enculé, la plus belle façon possible. Ouais, voilà. En tout cas, à tantôt, mon gars. Ah oui. On écoute une des préférées à Simon Préjean pour vrai, là, à 70%. C'est tellement beau. Cow, burger, not that they're connected, I'm just saying fat, burger, fat, burger, cow. Is a chicken. Cow. It's not goat. Cow burger. Oh my god! Is that a goat with no ears? Ew! Devil goat. He will suck your soul out, devil goat. Don't look into his eyes. Oh, I can't help it. I'm looking into his eyes. Oh my god. C'est le temps. Bon, bien, alors... C'est sûr qu'il y a un lion, pour faire suite à mes quelques présentations de films que j'ai faites dans le cadre de Fantasia, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler tout d'abord d'un grand classique. Je suis sûr, Tommy, que tu vas appuyer que c'est... Le Bloodfeast. Bloodfeast, et surtout son réalisateur, qui est Herschel Gordon Lewis. Alors, je vais parler de deux choses en même temps. On parlera peut-être un peu du film, mais j'aimerais aussi vous parler du documentaire qui a été fait en son honneur, tout chaud sorti et probablement présenté en première, ou sinon, je crois que ça a été même présenté en première au festival. Alors, c'est Herschel Gordon Lewis, The Godfather of Gore. Oui, ça sonne bien quand même, j'avoue que c'est vendeur. Et ça avait été aussi fait suivi d'un lancement d'un coffret de ses meilleurs films. Et, ben, tant qu'à faire, tu sais, je veux dire. Non, c'est le mot meilleur qui me fait rire. Ben oui, bien sûr. et ce qui est bien aussi, c'est que le documentaire a été fait par des gens qui n'avaient jamais fait de documentaire, mais qui ont quand même un nom dans le domaine. C'est-à-dire, il y avait Frank Henlotton, qui est un spécialiste des films d'exploitation. Donc, c'est quand même bien, qui est associé à des films aussi comme Basket Case et Bad Biology. N'est-ce pas? Et je sais pas si c'est parce que tu manges des bonbons que tu dis, ou bien c'est. Oui, c'est j'ai ça. Eu des gommes en forme de tennis dans mon sac à surprise. Oh, des d'accord. Raquettes, des mini-raquettes. Non, ben des balles de tennis. Ah, OK. Y a-tu du poêle dessus? Predge, c'est en forme de Pin. Ouais, c'est ça. OK. Alors, et l'autre, c'est Jimmy Maston, qui est associé, entre autres, à la production de Blood Feast 2. Alors, c'est... Parce que ça prenait une suite. Ben, c'est, qu'est-ce que tu veux? Mais cette fois-ci, quand même, le réalisateur est un peu en arrière de ça, ce qui fait que, bon... ce que j'ai beaucoup aimé de ce documentaire-là, c'est pas très compliqué, c'est qu'il y a pas tellement de documentaires qui nous parlent des coulisses des films d'exploitation. Il y en a très, très peu, et ce qui était vraiment bien dans ce cas-ci, c'est que, bon, évidemment, il nous parle de tout le volet gore, mais il nous parle aussi de toute la première partie de la carrière de ce réalisateur hors du commun, c'est-à-dire toute la série des Nudie Cutie. Oh, ça vous dit rien, les Nudie Cutie? Moi, ça me dit rien. OK, alors, dans les années 60, vous savez que, bon, il y avait évidemment des films très underground, très, très hardcore et tout, mais il y avait aussi quelque chose entre les deux, c'est-à-dire que on montrait des filles tout nues, mais pas en faisant des actes sexuels, pas non plus en train de cruiser vraiment, mais en train de faire la vaisselle, servir les clients au restaurant, faire des bicycles, se promener assis sur une tortue à poil. Ben, pas la tortue, mais la fille. Ben, la tortue aussi, mais c'est irrelevant. C'est pas l'activité autant que le stade d'allier qui est important, mettons. Oui, oui, ben, puis t'as toujours quelque part en arrière un gars qui, soit qui a très peur parce qu'il est pas habitué de voir une fille tout nue marcher dans la rue, ou qui est toujours derrière un buisson en train d'observer tout, sauf le buisson, parce que le buisson de la fille, ça, on pouvait pas le voir dans ce genre de film-là. Non, jamais. Non. Non, comme dans un épisode de Benny Hill. Ben, voilà, c'est ça. C'est l'arbre qui cache le buisson. J'en fais la toune. Donc, ce qui fait qu'on a aussi l'historique un peu de ce genre-là, et avec plein de séquences. D'ailleurs, Something Weird, il y avait un représentant de Something Weird Video qui réédite tout plein de films totalement hallucinants, comme la version 3X de Dr. Jekyll, Mr. Hyde, et toutes sortes de belles choses un peu tordu, nous a promis à nous, grands fans de Fantasia, de faire une compilation de Nudie Cutie. Alors, si j'ai l'occasion de voir ça, je ferai une critique très songée de la chose. Très approfondie, n'est-ce pas, de la chose. Dit-il avec le mouvement. Ben, parfait. Ça. Alors, et bon, disons, sinon, il y a tout le volet de la carrière de ce réalisateur-là, donc avec plein de séquences. Et on apprend comme ça tout plein d'anecdotes intéressantes. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de 3D, d'effets spéciaux très numériques, n'est-ce pas? Ah, c'était pas compliqué. On allait chez le boucher pour aller chercher des morceaux de toutes sortes d'affaires. Alors, je sais pas si vous rappelez l'anecdote dans Le Parrain avec la tête de cheval. Ouais. Bon, ben, il y a eu les mêmes problèmes qu'il y a eu à l'époque avec la tête de cheval, c'est qu'il n'y avait pas de frigidaire. Alors, imaginez-vous, on filme ça en plein été. Et la viande, la charogne. Et il y a d'ailleurs une séquence dans Blood Feast qui est assez remarquable où l'espèce d'adorateur d'une déesse qui est supposée être égyptienne, mais qui est en fait d'une... Enfin, peu importe. arrache la langue de la fille, coupe, et arrache la langue. C'était une langue de veau, mais elle était à moitié pourrie. Alors, on avait dû l'asperger de pine sol pour que ça sente pas trop la charogne. Yeah! Alors, on apprend tout plein d'anecdotes tout à fait excitantes comme ça. Et c'est aussi très drôle parce que souvent, on a le réalisateur qui se prend pas trop au sérieux. Et derrière, en arrière-fond, t'as les pires scènes inimaginables qui sont là. Et, comme si c'était normal. Mais c'est le fun aussi qu'ils se prennent pas trop au sérieux. Ça peut aller plus creux. C'est très bien parce que même sur place, là, il y a quand même eu une prétention que j'ai trouvée très bonne. Il disait que s'il n'avait pas été là, Alfred Hitchcock n'aurait pas fait The Birds. Et moi, je me dis, si Alfred Hitchcock n'avait pas fait Psycho avant, je ne sais pas s'il lui aurait été là. Mm. Ouais. Ou Fritz Lang aime le maudit. Mais ça je ne lui ai pas dit parce que je ne voulais pas y faire de la peine. Manière, ils ont réglé ça autour d'une tasse de café, sûrement, j'ai dit ça ouais, autres, là. Une bonne pinte de sang. Là. C'est ça, tu m'as créé mon film, mais moi, je te crée le tien après. Voilà, alors, ce qui était aussi très intéressant, c'est que, bon, ben voilà, on a eu donc une présentation au grand écran, copie assez restaurée, à 35 mm hein, de Blood Feast. Alors ça, c'est aussi quelque chose... Ouais, j'avoue, parce que moi, seul que j'avais vu dans un club vidéo, jadis, c'était... Vraiment, le blanc était délavé. Là, et le rouge bleu, était rendu brun. Ouais, ouais, le sang a eu le temps séché. Ouais, on savait pas s'il était pourrit ou s'il était pourrit. De la langue. la langue, oui. Et bon, ben voilà, c'est... Ben, t'as-tu des souvenirs marquants de ce film-là, Tommy? Moi, j'avoue que c'était la première fois que je jouais ça sur le grand écran. Là, mais... C'est long. Il me semble qu'il y a le bout à sa plage au début que je me rappelle. Là. Il tue genre deux filles qui sont sur une plage, puis c'est la nuit. Là. Ouais, ben c'est un gars et une fille, mais le fille, il braille comme une femme. Le gars braille comme une fille. Ouais, alors, ouais, puis c'est lui qui se fait tuer en premier aussi. Là. Ouais, ben il se fait assommer, après ça, il témoigne à la police. Puis c'est aussi quand même. À part le fait qu'on a un avant-goût quand même de l'anatomie des veaux, des porcs et de tout ça. Il y a aussi des acteurs tout à fait remarquables qui sont plus cabotins les uns que les autres. Ça, c'est... Ben, je me rappelle le méchant, à un moment donné, il fait le rituel en avant de la statue, puis c'était vraiment comme... Ben, la statue, c'est une espèce de mannequin centre d'achat là, qui ont mis de la peinture argent dessus, puis des rideaux en arrière. Là. c'est presque à la hauteur. Je pense que quelque chose que je vous conseille, si vous aimez ce genre de film-là aussi, c'est Microwave Massacre, qui est aussi un grand chef-d'œuvre du genre... Microwave Massacre. Oui, c'est tout à fait dans la même inspiration. Because when a new technology evolves, there's always be a horror movie about it. Ouais. Non, mais attends, c'est-tu à propos de hamster ou à propos d'un micro-ondes géant? Ben, le micro-ondes géant, et le monsieur, ben, ce qu'il fait, c'est que il ramasse des prostituées, ce qui donne prétexte à certaines scènes. Pas trop explicites, mais enfin, il les coupe en morceaux, puis... Il fait cuire au micro-ondes. Ah, attends, il est coupé en morceaux avant de les mettre dedans? Oui, il est pas assez grand quand même. Là. C'était les premiers micro-ondes, mais les premiers micro-ondes n'étaient quand même pas assez grands. Mais non, mais je veux dire, pourquoi la tuer avant de la mettre dedans? Pourquoi pas la regarder se débattre? Exploser dans le micro-ondes. Ouais, mais parce que les micro-ondes n'étaient pas assez grands. Et les micro-ondes, c'est pas fait un micro-ondes géant. Non, mais c'est ça, je te demandais. Je pensais que c'était un micro-ondes géant, j'étais comme ça. Ben, pas géant. Un sac dedans, hey, bon, comme un chaton, mettons. J'irais pas le ouais, c'est ça. Je l'ai dit. Ça, je disais hamster, ça pour des hamsters comme un micro. Ok, là, je comprends ta joke. Ouais. Songez, c'est, même. Hey, où la joke? 15e Moi, je m'ouvre, puis vous riez. Ouais, ben voilà. Alors, c'est quand même... Je pense que c'est un bon complément. Si vous avez l'occasion, un, de voir le documentaire pour voir... Comment parce ça qu'il y a quand même des il y a plein de séquences aussi des autres, parce que on pense entre autres à 10,000 Maniacs, dont on a fait un remake aussi dernièrement, qui était basé, le croyez-vous ou non, ça, ils l'ont pas dit dans le documentaire, mais moi, je le sais, sur la comédie musicale Brigadoon avec Gene Kelly en 1954. C'était à l'origine une comédie musicale et on a transformé ça avec des fantômes sudistes qui décident de massacrer des nordistes. C'est débile, ce film-là. Moi, ça me faisait peur. Ben, ça, c'est parce vraiment... que le monde qui tue le monde, ils sont comme contents, puis c'est le party. Fait que c'est le party, comme il y a une avec une demandé une grosse roche géante, puis la fille qui se trébuche en dessous, puis là, ben, ça, ouais. Il écrabouille, puis c'est assez réel. Ou celui du baril, là, ils prennent un baril, puis ils mettent plein de clous de 6 pouces dans le baril. Ouais, puis après ça, ils mettent le gars dedans, puis ils pitchent en bas de la pente. Oh ouais. Il arrive en bas, c'est juste une flaque. Là, c'est... Puis ben, il y a un bout tout aussi. Le monde fight. Là. Wouhou, oui, oui. Et un autre aussi qui débite à la hache. Une fille qui débite carrément à la hache, bout par bout. C'est, Donc, c'est quand même. Il y a aussi l'autre qui était bien aussi, c'est The Wizard of Gore, quand même. Hein. Wizard of Gore. Celle-là, je l'ai pas vu. Pas vu ça. Ça aussi, c'est un magicien qui. Ben, vous savez, les numéros spéciaux que bon, le magicien signe une personne en deux sur la scène, puis c'est pas vrai. Sur le coup. C'est un trucage, mais comme une heure après, la fille, elle tombe en deux parce qu'elle était vraiment sciée. Puis là, tu vois les tripes qui tombent partout. C'est cool. C'est bien quand même, hein? Ben ouais. Wow. C'est une bonne idée. Mais j'avoue que c'est... Il y a vraiment une poésie dans la chose. Si, tu sais, tu manges un petit peu de tartare avec ça en regardant ton film. Puis... Ben, ouais, moi, voilà. Je pense que t'as pas mal trouvé ton public cible pour présenter des films comme ça. Ben, ça a plein de bon sens. Est-ce que ça fait le tour de ton documentaire sur... Ouais, ben comme rappelle-nous vous dis, le documentaire. Alors, le titre, Herschel Gordon Lewis, The Godfather of Gore. Okay. Fait que Godfather of Gore, il doit pas en avoir deux. Non, effectivement. Voilà. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai regardé Brain Dead, je m'étais préparé de la salsa avec des chips. Mmh. Ouais, c'est ça, je l'ai pas mangé. Ben, moi, je m'étais préparé un pudding pour la première fois en longtemps, puis là, à un moment donné, l'oreille de la mère tombe dans dedans. Pudding, là, ouais. J'ai déposé mon pudding. Ton oreille qui est tombée dedans, c'est ça? Ben, la même. Non. Ah, okay. Mais les gars, quand vous gaspillez de la bouffe demain, m'appelez-moi, là. Mais c'est bon, la prochaine fois que c'est la première fois que je regarde Brain Dead puis que j'ai 14 ans puis que je gaspille de la bouffe, je vais t'appeler que je te connais pas. Hey, ben merci beaucoup Stéphane. On va revenir vivre d'autres aventures dans l'émission là avant de parler des aventuriers du système solaire là. Je vais mettre une petite toune du roi Enoch parce que le roi Enoch, il rock. Non, il rappe. Ouais, plus si tu veux cette merde, hein, tonton. Il y a de l'attitude en tout cas. Être un PD peu de nègre, ça n'a pas de prix. Ah, quoi. C'est le seul vidéoclip que j'ai vu du gars. À 70%. Ouais, je sais que t'adores ça, mon petit négro. Les longs canons, les gros pistolets, les Uzi, le calico. Je dégaine des bites, fais-les. On avance en reculant. Donc plus d'argent, de la poudre blanche est entassée. Rien change, arrogance accélérée. Comme le réchauffement de la planète. On se tape de la corde Kyoto comme George Bush. Véhicule utilitaire rempli de mazout. Rien à chier de ces hybrides ou de ces bagnoles électriques. On consomme alcool et drogue. Pour moi c'est trop tard, irrécupérable. Faut me laisser faire cette oseille dans ce rap musique. Il n'y a rien d'autre qui m'excite plus que d'entendre mes nègres qui font ma merde. De Dakar à Israël, le crime augmente, les tueries, même les gendarmes braquent. T'entends, négro? Même les gendarmes braquent. Allez, gros vert, polluant, sans aucun souci pour environnement. Sexe, drogue, pouvoir et argent. Tiens mon arme, dégaine mon arme, pire que Tony Montana. Roy Nock allume sur toi, violemment, avec un sentiment que je vais mourir bientôt. Alors je fais ce que j'ai à faire, ce que j'aime me quitte tôt. Mamie J et Bengali sont déjà là-bas. Pourquoi la mort pour la vie? Et après on continue. En attendant, je suis ici. Donc je survis, chargé à pompe mon fusil. J'adore cette merde, accepte ma destinée. Jadis, les kilos étaient pesés. Dans le futur, les kilos seront toujours pesés. Tant qu'il y aura de l'espoir, il y aura de l'illégalité. Vivra la criminalité. Je ferai aller mon pistolet. Les prisons seront remplies. Plus en plus d'avortements. Au nom du rêve américain. Les longs canons, les gros pistolets, les Uzi, le calico. Je dégaine des bites, fais-les. T'entends les gros, hein? Pour tous ces petits fanatiques, t'entends qu'ils veulent, hein? Qui veulent cette merde pop, t'entends cette merde populaire. Why not crache-feu, t'entends? Ou si Jones crache-feu, hein? Mais qu'est-ce qu'ils vont bien faire, ces négrés, là? Hein? Ce rap populaire? Hein? Rien ne change. Y'a du sang sur mon argent, t'entends? Hein? Without the soul for getting down, must stand and face the hounds of hell. Mais qu'est-ce qu'ils vont bien faire, ce négrisant? Bien, c'est Denis Munger. Vous écoutez Denis Munger sur... c'est quoi les noms? 70%. ça va naître un papier. Ça n'est un bon. This is Travis from Niagara Falls, and even helicopter pilots listen to 70%. Le professeur arrive! Des séquences ici tirées du film de ce soir, Les Aventuriers du Système Solaire. On est dans la classe. Attention! Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde. Je suis contente que vous soyez tous là aujourd'hui. Nous allons ce matin continuer notre étude de l'histoire et de la politique. Soyez préparés à répondre à mes questions. Rappelez-vous que notre pays a été divisé en deux zones après la guerre. Dès lors, nous avons subi plusieurs attaques. Professeur, pourquoi nous attaquent-ils? Est-ce qu'ils aiment la guerre? Très bonne question, Charles. Les gens du Nord sont des communistes et ils veulent que tout le pays soit réuni. Le seul problème est que nous qui habitons dans le Sud, nous ne voulons pas vivre sous un régime communiste. Donc le Nord essaie de nous vaincre par la force. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais que se passe-t-il là-bas, hein? Madame, elle a dit que j'étais plus gros qu'une vieille grand-mère. Madame, pouvons-nous plutôt faire une étude de la nature? Très bonne idée. Mais nous devons d'abord en parler à vos parents. Il faudra penser à prendre toutes vos affaires de camping. Vous êtes un des petit peu plus tard au camping. Quoi? Qu'est-ce que tu connais des espions? Notre professeur nous a dit de ne jamais aider les espions du Nord. Fais attention à ce que tu dis. Ok. C'est vrai, nous sommes du Nord, mais nous sommes très gentils. Vous êtes des menteurs. Notre professeur nous a dit que vous étiez mauvais. Ces enfants ne sont que des petits contre-révolutionnaires. Voyons, petit. Ce que votre professeur vous a dit n'est pas vrai. Nous sommes des gens paisibles. C'est pas vrai, vous mentez. Nous connaissons des communistes et ils sont tous cruels. De plus, ils mentent tout le temps, hein. C'est une vraie baraque de capitalistes. Je comprends pourquoi ces gosses sont contre la révolution. Oh, ne perdons plus de temps ici, allons-y les gars. Eh, mes amis, promettez-moi que vous n'allez rien dire à vos parents. Vous avez bien compris? Même si nous ne disons rien, vous êtes sûr d'être arrêté, alors? Tais-toi, vermine! Non! Tu connais aussi! Allez, ok, venez, allons-y! Ils viennent de cogner les enfants capitalistes. Les méchants communistes. Là, ils sont assommés, puis ils sont couchés la face à terre, puis là, ils ont décidé de pas tirer dedans parce que ça aurait fait du bruit. Là, on est avec les enfants. Madame, pensez-vous que les communistes vont venir? Oui, hein? Oui. Je sais pas. Je ne sais pas. Il faut que nous soyons prudents tout de même. Ouais. Et si les communistes viennent, je vais leur montrer mon goût. Ça, tu vas les effrayer, idiot. Toi, tu n'es qu'une grosse barrique. Ça m'est égal. Oh, un de ces jours, je t'apprendrai quelque chose, tu verras. Ouais, et tu verras de quel bois je me chauffe. C'est un petit peu comme dans la Force G, là, tu sais. Tu sais, la Force G, là, à un moment donné, ça y arrive à la fin de l'épisode, puis là, il faut que le gros arrête d'avoir peur pour qu'il puisse se transformer en vaisseau de feu, puis qu'il batte le méchant en passant au travers, là. OK. Oh. L'avez-vous déjà vu, ça? La non. Force G, oui. J'ai jamais compris, moi, pourquoi qu'il crissait pas dehors, puis qu'il prenait pas une bouche d'incendie à sa place, ou n'importe quoi. C'est petit gros fatiguant. Hey, là, on va parler des aventuriers du système solaire. C'est le film de ce soir. Je vous lis tout ça dans un bloc parce que mes deux blocs se suivent épeuramment. Donc, développer le sens critique, c'est à ça qu'on sert à douteux.org. On vous le donne un peu cru pour aider en commençant. Puis parce que les affaires qu'on présente ici méritent souvent de se faire appliquer un peu de sens critique ou auraient mérité de s'en faire appliquer avant de prendre la forme que l'on montre au visionnement ou ici ou autrement. La morale finale, c'est à laquelle je suis rendu présentement, puis ça va sûrement évoluer, c'est celle que m'a appris Meux et Roger Normandin. Le plus important, c'est de faire quelque chose au-delà du facultatif, il y aura toujours la motivation. Ça prend des couilles pour dire d'une œuvre qu'elle est terminée, de passer à autre chose, puis d'arrêter d'être frustré du jugement que les autres en ont. Salut, M. Gilmore. Saviez-vous que Thomas Edison a essayé plus de 1000 différents composés de filaments avant de tomber sur le tungstène capable de soutenir le courant électrique et produire la lumière? Il a dit lui-même qu'il ne s'est pas trompé 1000 fois. Il a plutôt trouvé 1000 façons de ne pas faire de globe de lumière. Se relever, votre père vous l'a appris, c'est ça le plus important. J'ajouterais se relever et apprendre de ce qui nous a fait tomber. Quand on parle de création, tomber, apprendre, se relever, ce sont toutes des métaphores. On se souvient de Julian Grant, celui qui n'était pas une porn star, mais bien le réalisateur prodigue de Elektra. Elektra avec Shannon Tweed et Roach, plus puissant que le gouvernement. Elektra, le seul film de Julian Grant, du moins 8 certes, mais est-ce que Julian Grant a appris de son erreur en décidant de ne plus faire de film ensuite? En sentant le défi trop grand. Et Dennis Rodman, il a fait 2 films d'action moins 7 avant de décider de se relever et d'apprendre de ses erreurs en retournant faire autre chose. Ou il a mal appris de sa première chute et retombé dans le même piège, on sait pas. Oui, la notion d'erreur en production culturelle en est une éternellement discutable. Le plus important, c'est que des créateurs soient motivés à produire des œuvres, que des gens prennent des chances, tentent de faire des affaires pour que l'on ait des choses à discuter et des résultats à améliorer ou sur lesquels s'inspirer pour faire quelque chose à son tour. Et qu'est-ce qui ne mérite pas d'être amélioré? Quand on y réfléchit bien, le moins 10, le 0 et le 10 sont réellement des valeurs hypothétiques. Rien n'est parfait, tout peut s'améliorer. Même les bouctouches. Non, ça, c'est un cas désespéré. Non, tout peut. Pourquoi un tel préambule? Parce que ce soir, on fait objectivement face à une somme d'erreurs. Comme pour le dessin animé allemand porn, on retrouve cette question en commençant. C'est long faire des dessins animés. Alors, pourquoi ça existe? Ensuite, on fonce dans les mauvais cadrages, le script de catégorie maternelle, les doublages vaseux, les animations pourraves et tout ce qui tourne habituellement autour d'un moins 7. Mais moi, je veux surtout vous parler d'une phrase en particulier tirée du film. Je tourne autour en résumant un peu ce qu'on va voir. Donc, les aventuriers du système solaire, ce sont des extraterrestres communistes qui sont arrivés sur Terre. Ils s'allient aux communistes de Corée du Nord et souhaitent faire de leur président l'empereur de la Terre. Heureusement pour le monde capitaliste libre, des enfants d'une classe en voyage de découverte nature vont devenir des dessins animés à la 15e minute pour apprendre comment conduire des robots et repousser les envahisseurs communistes de l'espace. La dite phrase qui me dévisse ben raide est mentionnée à la 23e minute. C'est Jong-il, le boss des terriens, qui parle avec le président, le boss des méchants. Donc Jong-il, « Monsieur le président, vous avez débuté votre voyage, vous étiez beaucoup plus nombreux. Où sont passés vos vaisseaux? » Le président de répondre, « Oui, on avait des centaines de vaisseaux au départ. Quelques-uns ont été détruits dans une tempête cosmique et le reste a trouvé la mort suite à une tornade galactique. Mon vaisseau est le dernier. » Ok. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Donc, mais c'est une leçon de courage incroyable. C'est des découvreurs, là. Non, mais moi, je veux savoir entre la tempête cosmique et la tornade galactique. Quelle manifestation que ça prend. C'est laquelle qui a scrappé le plus de vaisseaux. C'est pas dit dans le film. Ouais, parce que ça pourrait être très utile s'il y en a d'autres qui essayent de nous envahir. Ben oui, ou de mettre des balises dans l'espace, passer pas par là, zone de tornade galactique. Ou passer par là, justement. Donc, si ça n'avait été des susmentionnées catastrophes naturelles spatiales, les communistes auraient été des centaines de vaisseaux et auraient dominé la Terre. Eh bien, c'est comme la guerre des mondes, hein, la nature qui finit par tuer des extraterrestres. Oui, sauf la nature extérieure à la Terre. Mais sinon, pourquoi créer en une phrase 100 vaisseaux que l'on détruit la phrase d'ensuite? Ça s'appelle à quoi ça sert? Magnifique. C'est un raccourci cinématographique. Oui, mais c'est parce que si ton but, c'est de faire que les boss des méchants sont méchants, t'en crées pas 100. Je sais pas, tu fais pas que les 100 sont morts parce qu'il y a eu une tempête. Ils sont musclés, tes envahisseurs. C'est juste un petit crise de quelque part dans la production qui a fait comme « Pourquoi sont-ils dans un vaisseau? Pourquoi il y en a pas 100? » Puis t'as fait « Ah, ok, on va mettre 100 vaisseaux puis on va les détruire dans une phrase. » Tu sais, ce que ça prouve, c'est que les extraterrestres communiquent. Ils sont même pas capables de voyager dans le vide. Je trouve ça spécial. Sinon, écoutez les phrases du dit film. Remarquez les petits détails tout croche en background. Les couleurs qui changent pendant le plan. J'ai jamais vu ça ailleurs. C'est comme s'il y avait plus de brun, on met ça rose, c'est pas grave. Mais oui, c'est grave. Va t'acheter des crayons. C'est très différent, c'est débile. Le brun du rose. C'est animé tout croche. Les perspectives ont pas rapport. Et bien sûr, il y a des boss, s'il vous plaît, dans le coup des communistes. Ils ont comme des boss spéciales, là, je sais pas c'est pourquoi. C'est communiste à boss. Ouais. Et puis, il y a le fait que le boss des communistes terrestres s'appelle Jong-il, j'aime bien ça. C'est le frère de Terrence. Peut-être. Ben sinon, avec les aventuriers de l'espace, vous allez en avoir pour votre décossé en sapristi. Et puis, ben au plus loin du questionnement, on se demande, est-ce que c'est une tentative toute basse d'endoctrinement? Parce que ça me donne vraiment envie de voter communiste. Fait que peut-être que ça marche. Ça ne dure. En tout cas, si on se retrouve dans un vaisseau, moi aussi je vote. Ben, si on est dans un vaisseau communiste, là, je commencerai à avoir peur. Là, présentement, genre. Ouais, genre, ben. On est dans un vaisseau communiste. Si la Terre, c'est notre vaisseau, peut-être qu'on devrait. Peut-être que ce n'était qu'un rêve, finalement. Ce n'était qu'un rêve, je sais pas où, c'est quand. Ça ne dure donc ce film-là que 60 minutes. On va écouter la chose, mettre quelques clips et contre-attaquer avec un épisode de la série des super-héros avec l'homme quéquette, Batman, qui parle vraiment bizarre. Ça s'appelle le cirque intergalactique. Ouais, c'est beau ça. Ouais. Merci de remercier les bénévoles professionnels. Non, excuse-moi, je faisais mon imitation. Ben, je voulais remercier les bénévoles de douteux.org qui font que à cette heure, on est rendu avec des chapitres et puis avec une charte et puis avec des bénévoles de la semaine. D'ailleurs, cette semaine, c'est toi, Cédric. Bénévole de la semaine. Merci. Excellent. Hey, on va monter un petit peu le volume. Non, c'est pas vrai. Je vais vous mettre quelques petites séquences du film encore des aventuriers du système solaire. Puis après ça, on va aller écouter des nouvelles à Bruno parce que faut grandir. Hein. Mm-hmm. Faut en apprendre. pas le choix. L'insouciance. Attention, tu veux m'écraser. Oh, je suis désolé. Vous êtes si jeune. Dites-moi, comment avez-vous pu atterrir ici? Nous sommes des extraterrestres. Nous venons pour vous demander de l'aide. Pourquoi donc? Parce que notre planète, à l'heure actuelle, est contaminée par des déchets nucléaires et va bientôt mourir. Et vous êtes arrivé à vous échapper? Oui, tout à fait. Notre planète est soumise au contrôle du diable Siporta, qui veut contrôler l'univers entier. Nous nous sommes enfuis avec Champ, notre robot. Oui, c'est exact. Mais pourquoi êtes-vous venu sur Terre? Parce que Siporta a l'intention d'aider vos ennemis. Les communistes? Oui. Qu'est-ce que c'est? Les voilà, vite! Nous devons protéger notre vaisseau. Oh. Dépêchez-vous, cachez-vous les enfants! Ça a flingue du communiste en sapristi, là. Major Lasers. Tu sais, il y avait les grenades, il y avait oublié. Si Siporta réussissait à déclencher une guerre nucléaire, ce serait une véritable catastrophe. Et oui, cela serait la fin du monde. Je ne peux pas imaginer une telle lutte entre les méchants de la Terre et les méchants de l'espace. Nous devons absolument faire quelque chose pour éviter ça. Que pouvons-nous faire, docteur, exactement? Ce serait plus facile si nous avions le robot canon, mais il est aux mains de ce pourri de Siporta. Siporta va s'en servir contre nous, ça c'est évident. Mais non, il ne pourra pas l'utiliser. Mais pourquoi? Parce que le robot canon a été programmé pour n'accepter que des émissions codifiées et par les personnes compétentes. Comment pouvons-nous l'utiliser alors? Parce que nous avons le logiciel du programme, voilà. C'est génial, mais qui sait comment ça fonctionne? Le logiciel du programme. Ouais. Ça arrive jamais. Général, vos pertes sont très importantes. Comment allez-vous m'expliquer ce carnage? Eh bien, je suis désolé, monsieur le président. Où se trouvent les intrus? Les intrus ont disparu de l'écran, monsieur le président. Où sont-ils disparus? Pas loin de notre quartier général, monsieur le président. Ils sont très dangereux, trouvez-les-moi immédiatement. C'est tellement vrai. Hey, c'est vraiment un de mes douteux préférés. Celle-là, plus parce que c'est les autres qui sont mes préférés. Parce qu'il est pas long aussi. Hein. Ouais, ça, c'est ça, le fun, ça. Beaucoup. C'est la médiocrité concentrée. Ouais, voilà. La somme de beaucoup d'erreurs. C'est combien de minutes? 60. 62 à peu près. Wow. Fait que même avec l'épisode des super-héros du système, là, on va avoir de quoi qui dure même pas une heure et demie. Yeah. Ça passe vite. C'est, ça. C'est l'idéal pour amener ta blonde. Elle pense que t'as gardé ta fibre d'enfant encore. C'est cute. Ah, ouais, ouais, alors plus de nouvelles. On va un petit bloc hold-up. La semaine dernière, deux policiers de New Westminster, en Colombie-Britannique, sortaient du poste de police et se dirigeaient au Starbucks de l'autre côté de la rue quand un homme de 43 ans les a interpellés. Ils ont eu une brève conversation avec lui avant d'entrer dans le café. Selon les policiers, ils étaient à la caisse en train de commander quand le même homme est entré dans le café et a lancé une boisson sur l'employé et a demandé l'argent de la caisse. Les deux policiers se sont regardés ahuris par le comportement de l'homme et l'ont rapidement contrôlé au sol et arrêté. Il devra paraître en cours pour tentative de vol et voie de fait. Ça devait être un café glacé, puis il a dit « Freeze! » OK. Peut-être. Fait que le gars, il est allé parler aux policiers. Il est allé parler aux policiers, il les a vus rentrer dans le café, puis après ça, il les a coupés dans ligne pour aller faire le hold-up. C'est quoi ça? C'est un trip sexuel, c'est sûr. Non, c'est mais sûr. Il voulait, là. Il en avait ouais. besoin, là. Là. Il avait besoin d'une aventure dans sa journée. On continue. Samedi dernier, un homme portant un masque de ski et armé d'un revolver s'est présenté au service au volant d'un Wendy's à Atlanta, réclamant le tiroir-caisse. Après avoir obtenu le tiroir, il s'est sauvé et a appelé le restaurant un peu plus tard. L'homme, qui était si mécontent de son butin, aurait affirmé au téléphone « La prochaine fois, il est bien mieux d'avoir plus que 586$. » Puis il aurait rappelé une deuxième fois faisant une menace semblable. L'homme est toujours recherché. Aïe, on devrait comme checker dans nos poches puis coter là, pour lui. Aïe, pauvre bonhomme. T'en restes combien de ça, toi? T'en restes juste une? On va regarder pour un petit peu plus tard. Là. On va retourner voir M. Taillon. Il est en train de farnianter de son côté de la table avec sa collection de comic book à faire fuir n'importe quel objet féminin. Je suis en train de m'enlever la peinture que j'ai Parce que Cédric Taillon est non seulement artiste peintre, mais aussi peintre en bâtiment. Ouais! Peintre des deux bords, peintre des deux sens, man. Si, quand tu me le demandes maintenant, je dis les deux. Okay. faut que je trouve laquelle choisir. Trouve un lien. Ma petite vache mal aux pattes. Ok, ben regarde, artiste peintre, hein. Moi, le je suis. Ben, je peux pas me procurer des penthouses ou des. Des Playboy ou des. Ouais, je sais pas. J'avais oublié le nom de Playboy là, dans la seconde. Là. Aïe, aïe. Ce qui se passe avec moi? Ok, fait que moi, les comic books, là, je me pognais toutes les affaires les plus hyper sexualisées parce que dans les années 90, là, c'était le gros pitch de vente en plus. Là. Fait que j'ai une panoplie là, de ce qui m'allumait quand j'étais jeune. Moi, je prenais ça puis j'ai déshabillé. Je dessinais des dessins. Et puis ça, c'est une triste histoire, hein, parce que mon beau-père est allé montrer ça à mes grands-parents un moment donné, puis ça m'a déshérité, moi. Ben, hey, je les ai tous déchirés, je les ai sacrés dans la toilette, je les ai... J'aurais aimé ça les avoir aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose que je donnerais pas pour avoir ça sous mon mur. Ben, refais-les. Hey. Ben oui, ben, c'est ça que je fais dans ma vie courante, là. Ben, OK, fait que ça, j'ai Dawn. Dawn, qui était un comic book peint très, très hot. Ça, c'est le spécial pin-up. Puis Image était bien gros à sortir des BD pleines de plots là, à moitié à poil. Puis on a Célestine qui est en fait une ange méchante dans Spawn là, qui essaie de tuer Spawn, mais elle a son propre comic book. On a Dark Child, sûrement un peu la même genre d'affaire là. Ah là, Les spin-offs de Spawn, il y en a eu en sapristi. Ouais, total, là-dessus. Il y avait le Spawn médiéval. En fait, il y aurait dû avoir un, je suis sûr qu'il y a dû en avoir. En fait, Spawn médiéval, justement, a eu un crossover avec... Hey, t'es ça, toi, hein? Lady Death. Lady Death, qu'on incite, là. C'est comme si c'était la mort qui venait te chercher, sauf avec des grosses crises de boules. Ils ont toutes des grosses boules. Ils ont toutes des grosses boules. Ben, il faut des grosses boules. Imagine s'il n'avait des normales. En parlant de grosses boules, Gen 13, qui était un des gros noms de Image quand c'est sorti, c'était Scott Campbell, un artiste assez hot, qui dessine, entre autres, très bien les femmes. Et puis, ben finalement, c'est des lignes qui la couvrent, puis les lignes sont peintes en brun, là, une autre couleur que la peau. Là. Mais en fait, cette fille-là, qui s'appelle Fairchild... Elle, son super pouvoir, c'est juste d'être une femme parfaite sur toutes les angles à mesure, genre 6 pieds 5, elle peut lever un truck, puis elle a des... Elle fait la vaisselle. Ouais, ben c'est sûr. Danger Girl, l'autre aventure de Scott Campbell, qui est finalement trois héroïnes un peu à la Indiana Jones. Puis hey, on avait, avant de vous montrer ma préférée de toutes les héroïnes de comic book, je me pognais tout le temps, moi, les swimsuit special. Puis ça, c'est rien que plein de super héroïnes en costume de bain, un peu à la Sports Illustrated. Là, il n'y a pas Beast. Mais des dessins, puis il y a des vraiment belles affaires là-dedans. j'en ai une couple. En flippant les pages comme ça, je me rappelle lesquelles j'ai dessiné. C'était pas du tout une copie des X-Men. Là. Non. Ça paraît la fille qu'elle a 13 ans aussi. Là. Bon, là on arrive à la série sur Sunday des femmes dans les comic books des années 90. Là. Ça tombe bien parce que de nos jours, là, avec Twilight puis toute la panoplie de True Blood puis de vampires ici, vampires là, on a Vampirella. Of Dracula. Ah, voilà. Vampirella de Dracula, les amis, avec le meilleur costume dans l'invention de tout l'historique des costumes au monde. Là. Ouais, c'est fort. Comment il s'appelle, là, le dude avec le spandex vert, là? Borat. Borat a comme copié le Vampirella. Oh, on a le meilleur exemple ici, check ça, Tommy. C'est des ficelles qui découvrent les... Elle est entourée de tête de mort et de chaîne est enchaînée, puis elle a une petite strip rouge qui couvre le nipple. Ah, wow. Puis ça tient tout le temps, hein. C'est ça qui est bien. Wow. C'est la magie. Pow. Aïe, ça, c'est qu'il y a 20 trous des grosses balles. Ah, sur celui-là, il est ridicule. Puis son pouvoir secret, c'est d'avoir une colonne vertébrale invincible. Ah, regardez ici, on a un crossover avec Shadowhawk et Vampirella, Creatures of the Night. Shadowhawk est un peu un Batman vampire bizarre en soute d'armure en chrome, là. Mais il y a du vampire sex là-dedans. Ouais. Ouais, comme puis dans True Blood. Puis il se mord, puis c'est un bain de sang, puis elle est menstruée. Non, elle n'est pas menstruée. On a un Vampirella crossover Wetworks. Lui, je l'ai amené juste parce que la page du milieu résume très bien. Check ça. Hey, s'il vous plaît. Hein, ils ont comme volé ça à Mountain Dew. C'est quoi, il y a une pile de cadavres, non, ça puis dit une babe. Obey your thirst. Puis c'est Vampirella qui suce du sang de ses doigts, tout hot, tout sexy. Puis, moi, j'avais dans ma chambre des beaux posters de super-héros. Puis, quand ma mère regardait pas, Vampirella en vrai, man. Ça, c'est... C'est vrai, Vampirella. Ouais, c'est une vraie Vampirella. Sauf qu'ils ont comme mis trop de costumes de bain, là. Ouais. Ben, moins que ça tenait pas dans la réalité. Quasiment son... Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Hey, parle-moi vite fait là, des affaires de l'évolution là, des 4-6. OK. Ben, j'avais amené une panoplie de one-shot qui ont été faites dans les années 90. On a Cable, Blood et Metal. Cable qui est Cable, obviously, qui avait son propre comic book. On a Chapelle, on a Prophète, Union, Suprême. Ah, oh, le Fighting American, ça c'est Rob Liefeld de Image. Quand il a fait chier tout le monde à Image, il a été se starter sa compagnie qui s'appelait Awesome Comics. Puis là, il a créé Fighting American, qui est finalement là, Captain America, mais... ben non, Captain America. Ouais. On a Super Soldier. Ça, c'est Captain America mixé avec Superman quand DC et Marvel ont créé Amalgam Comics, qui était les deux univers, ça rentrait dedans, puis ça a créé genre un univers fucké où il y avait un mix de Batman puis Wolverine puis un mix de en tout cas c'était bien poche de toutes les franchises. Ouais. Winner pour que la on garde la sense. Ouais, ben ouais. La série sur Sunday de cette pile là c'est un comic book de Michael Jordan. Michael Jordan qu'on voit ici en train de licher le rim qu'on voit là en train de guérir le lépreux. Puis en arrière de ce comic là on a Rock and Roll Comics annonce un comic book avec Sting et Iggy Pop. Au moins Sting et Iggy Pop. Au moins, hein. On sait pas qui d'autre va nous surprendre là, mais puis là, tu veux que je finisse ça, hein? Je rappe ça. Ok, fait qu'on a ici le summum du geekdom là, un crossover entre Star Trek et X-Men. Et sacrément, ouais, man, ouais. Ça brille. Ouais. C'est bien drôle là, là-dedans. Il y a une scène où ben il y a plusieurs scènes là, tu vois. Là. À un moment donné, il y a ils sont le dans Captain le Kirk qui se cruise Storm. Là. Ben oui. Non, il cruise Jean Grey. Là, il dit ah. T'as des pouvoirs de mutants, mais un de ceux-là, c'est-tu ta beauté? Oh! Petite ligne de mal. Puis là, elle dit, ouais, tu demanderas à Cyclope, c'est mon mari. Mais un moment donné, ils sont dans Sick Bay, puis... C'est pas ça qui m'arrête. Puis l'infirmière, elle dit quelque chose, puis elle dit, « Dr. McCoy! » Puis là, t'as Dr. McCoy, puis Dr. Ben, McCoy. Ben, McCoy, Je suis sûr que c'est juste pour ça qu'ils ont fait un crossover. Ouais, c'est ça. Non, je parlais de ça parce que j'annonce, tu vois, je vous disais que ils sortaient n'importe quoi dans les années 90. On est ici, ben, c'est ça, X-Men, hein. Faut pas oublier que c'est fini, cette époque-là, hein. Ben, oui. À ce temps, ils sortent plus n'importe quoi. Non, ben, dans ce temps-là, ils essayaient de se sortir d'un trou, là. Fait que, ouais. On a Generation X. Excalibur, Gambit et les Externals. On a Extreme X-Men, New X-Men avec un mutant qui a vraiment pas eu une longue run. Pauvre gars là, il a pas été donné les meilleurs pouvoirs là. Il ressemble d'une autruche en tout cas. Puis on a les Extreme X-Men, New X-Men, on a les Next Men. Hey, ça, là. John Byrne, les Next Men, wow. Les Mexnan. Ouais. Après ça, ben, on a X-Force. Et finalement, pour faire le petit lien entre les deux, parce que ben, c'est très spécial la dernière, on a Forceworks. Hein, tu vois, on est passé de X-Force, on a manqué de X, puis là, on les appelle Forceworks, qui est en fait un ramassis de tous les héros secondaires comme Spider-Woman, un autre rip-off de Captain America. Là, vraiment, wow. Mais cette affaire-là, ça va aussi dans la lignée des comic Surge. Books. Sont sortis là, avec les covers flash là, pour vendre. Là. Lui, il y a quelque chose dans le cover que j'ai jamais ouvert en pensant que ça allait prendre la valeur. Et je le fais live. Oh, là. On ouvre live pour les Force Works. Ça déchire. C'est sûrement... ben moi, c'est un poster. Hein. Si ouvert je... avant 2003, vous gagnez 600. Hey! C'est un pop-up. C'est un fucking pop-up, man. Aïe, aïe. OK, il y a plein de monde qui se bat. Puis c'est qui au milieu? C'est une espèce de rip-off. Ah, c'est Wonder Man. Oh, yes. C'est Wonder Man, le rip-off de Superman dans le monde Marvel. Ouais. Wonder Man, avec le gros W. Fait ben, wow. C'est, voilà. Alors, il y a un pop-up sur le cover de Force. Regarde, on voit le dos et le... On le voit de dos et de face. C'est du j'aime ça, les lunettes 3D. Il est en train de se faire attaquer par quelqu'un, en fait. Ouais, quelqu'un. On sait pas, je sais pas non, c'est qui c'est ce quelqu'un-là. Quelqu'un, là, quelqu'un mais... qui a pas duré longtemps dans la vie non plus. Et puis il y a Iron Man, on reconnaît Iron Man. C'est pas mal ça. On reconnaît pas grand-chose dans ce comic-là, les amis. Oh! C'est un téléphone. Bonjour, vous êtes à 70%. Bonjour. C'est Kate, ça va bien? Hey, salut Kate, ça va très bien. On s'en allait écouter Stéphane, il va nous parler de je me rappelle plus quoi. Psychotronisme. Ah oui, la source du psychotronisme. Du psychotronisme? Ouais, ça vient d'où ça? Ben, on te pose pas la question, là. On va se le faire expliquer par quelqu'un d'autre. Ben, c'est parce que je vous écoute en même temps, c'est un peu bizarre, là. T'as de l'écho. Ouais, ben c'est ça. Faut fermer votre radio, madame, sinon ça fait du feedback. D'accord. Combien de fois qu'il faut leur dire. Là, c'est... Mais c'est quoi qu'on peut faire pour toi, là? Ben, en fait, je voulais vous dire salut, puis je voulais vous dire que je vous aime vraiment gros, puis qu'on écoute 70% même à Sherbrooke. Oh, ben tu resteras en ligne, on va t'envoyer des Nissan Sentra. Yeah! Merci beaucoup! Eh ben, dis que t'écoutes 70% parce qu'on vient de te dire d'écouter 70%. Eh ben, j'écoute 70% parce qu'on m'a dit d'écouter 70%. Je suis vraiment influençable. Eh ben, merci Kate! Ça me fait ça penser. Ça me fait plaisir d'être influençable. Bye bye! Tu sais que le nouveau Zac Efron, là, je me rappelle pas c'est quoi son nom, G-Bird machin, là, mais ce gars-là, il a 16 ans, puis c'est la nouvelle craze, là, puis il vient de sortir ses mémoires. Ça va te faire de quoi lire. Yeah! Merci, les gars! All right! Bon, ben, à bientôt, Kate! À bientôt! Bye! Bye! Bye. Hey, Stéphane, c'est à ton tour, mon gars. Vas-y, rap-nous l'émission d'aujourd'hui. Ah, oh, ben là, je suis vraiment émotionné, là. Ah, OK. Ah, oh, ouais. OK! OK! Attends, ça, c'est-tu Adam's Family? C'est Nouvelle Merde. Nouvelle Merde, hein? Petit PD. Connard. Qu'est-ce que t'attends? Bon, alors, vous savez que... ben, j'espère que c'est pas moi, là, mais... Selon le roi Inox, c'est pas mal tout le monde. OK. Alors, ben, souvent, on est habitué à entendre le mot psychotronique, mais on sait pas trop d'où ça vient. Très habitué. Les... Disons que, pour ceux qui sont vraiment des vétérans de la radio, dès 1992, à CBL, on avait une émission qui s'appelait Les psychotroniques, d'ailleurs. Oh! Oui. Animée par Serge Mailloux et, je sais pas s'il y a un lien avec le docteur, mais en tout cas, il y a un certain S. Rivard. Mais l'origine réelle et réelle, c'est Michael G. Weldon qui l'a eu. C'est quelqu'un qui vient d'Ohio. Et qui est le neveu de Bob Martin, qui était le rédacteur en chef de Fangoria, une revue très célèbre dans le domaine du fantastique. Ben oui. Et ce type-là s'est inspiré du film The Psychotronic Man de 1980. Un homme qui, comme le pneu dans Rubber dont nous avons parlé il y a quelques semaines, par la force de son esprit, a le pouvoir de tuer des gens. Comme les films très mauvais ont le don de nous tuer, de nous scier en deux aussi, d'une certaine façon. Hein. Et... je vous parlerai peut-être du film Psychotronic Man une autre fois en détail, étant donné que le temps file, n'est-ce pas, malheureusement. J'essaierai de retrouver une copie, de vous en parler. C'est apparemment quelque chose de très solide. Ça a l'air d'être Scanner, en tout cas. Oui, oui, oui, un petit peu. Hein. Puis ça se passe tout à Chicago. Ça a été filmé illégalement à Chicago, parce que le maire ne voulait pas qu'on filme là, ce film-là. Enfin. Puis Oprah, qu'est-ce qu'elle en disait? ça, je ne sais pas encore. Faut pas rire d'Oprah. OK. Alors... Et partant de ça, lui, ses premiers essais de critique psychonautronique ont commencé en 77. C'est un petit peu comme Tarantino qui était dans un club vidéo. Lui, il était dans un magasin de disques hard punk. Puis, en temps libre, il faisait des critiques comme ça. Et petit à petit, c'est devenu une revue, une fanzine, Psychotronic TV, dans les années 80-81. Et c'est vraiment là qu'il y a eu le début vraiment de la mode du psychotronique. Parce que le point culminant de ça, c'est un livre dont j'ai la chance d'avoir un exemplaire. J'ai pas pu le trouver, mais je vous l'apporterai un jour, les gars. C'est The Psychotronic Encyclopedia of Film. Ça, c'est la Bible du film de série B. C'est de 83, il y a eu une suite en 96. Il y a vraiment tout, là. Ça commence dans les années 30, ça se rend jusqu'aux années 80. Et avant, à l'époque Internet, il y a des coupures de presse. Avec des entrevues des gens de l'époque, toutes sortes d'anecdotes sur les tournages. C'est totalement hallucinant. Et déjà, la pochette du livre est très prometteuse. Vous voyez, vous avez un monstre, vous avez un rat, et par-dessus le rat, vous avez Elvis Presley. C'est, en tout cas, ça, c'est vraiment... Parfois, on est un peu surpris de certains films qui sont mis là, parce que je pense qu'il y avait même mis Psycho là-dedans, ce qui n'est pas pour moi un film psychotronique, mais enfin. Mm-hmm. Mais disons que peut-être pour vous aider à mieux comprendre le concept, voici un peu ce que disait Weldon dans... Justement, dans la première version, un peu plus léchée de cette revue-là qui était photocopiée à la mitaine au début, mm-hmm. c'est-à-dire dans le, en 89, dans le Psychotronic Video Magazine, qui a existé pendant 18 ans quand même. Il disait que c'est... comment il définissait le film psychotronique que je vais traduire librement, parce que je veux quand même pas avoir un lecteur comme Jacques Cousteau qui parlait en français, en anglais. Vous savez, Derry Zoli, tu le fiches, je veux dire. Bon, alors... vous vous rappelez... Les versions doublées de Jacques Cousteau. Cousteau je bois ses paroles chaque matin. Alors, il disait qu'habituellement, les films psychotroniques étaient ceux qui étaient en généralement ignorés ou ridiculisés par les critiques mainstream à l'époque même où ils étaient sortis. Ça, c'est ce qui fait que ça différencie un peu du film de série B aussi, parce que des fois, c'est avec le recul qu'on trouve sa poche. Parce que les films qui étaient jugés extraordinaires à leur époque, comme Easy Rider, aujourd'hui ont quelque peu mal vieilli, disons. C'est différent, c'est la nuance. Et bon, il parlait entre autres dans les styles qui étaient psychotroniques, l'horreur, évidemment, tous les films d'exploitation. Évidemment, là, on parle des Blaxploitation, Sexploitation, les films avec les motards, les jeunes ados qui font l'amour, les trucs contre la drogue, en tout cas, tous ces beaux thèmes séduisants, les films d'action. Et en général, là aussi, les films qui étaient souvent montrés dans les cinéparcs. Vous vous rappelez souvent, peut-être, vous avez entendu parler de l'époque où il y avait deux ou trois films dans les cinéparcs. Généralement, l'apothéose, c'était le dernier film. On vous montrait la pire affaire, là. C'était merveilleux. Ou évidemment, aussi dans tous les greenhouse, c'est-à-dire les films où... Grindhouse. Voilà, où on présentait les films d'exploitation. Greenhouse, ça poussait des plantes. Oui, c'est ça, mais... Ça les navets, ça. Les navets poussent dans les serres, vous savez. Donc... Disons, est-ce que je pourrais vous dire quand même rapidement aussi, il donnait aussi quelques éléments pour reconnaître un film psychotronique dans la présentation de son édition 96, qui est un peu la suite du livre dont je viens de parler, The Psychotronic Movie Guide, et qui a été poursuivi ensuite par un site web. Donc, je vous conseille fortement de consulter le site web. Vous tapez Psychotronic et vous allez tomber dessus. Il disait que comment on fait pour reconnaître un film psychotronique? En généralement, Ils sont reconnus par leur utilisation d'éléments d'exploitation, ça, c'est-à-dire tout ce qui est le plus petit commun dénominateur de l'humanité. Je trouvais que c'était bien décrit. C'est bon, ça rejoint. Que souvent, c'est présenté dans les festivals pendant la nuit. C'est souvent dans la section culte des clubs vidéo. Et souvent, ils étaient présentés dans les cinéparks, comme je vous disais. Et malheureusement... on les trouve souvent aujourd'hui désormais uniquement en vidéocassette. Ça, Tommy, je pense que tu vas appuyer que parfois les plus grands trésors se trouvent... Ou chez nous, mettons. Oui, bien sûr. Et là, il faisait la liste de toutes sortes d'éléments qui pouvaient caractériser un film de série B. Il va falloir accélérer. Là, il nous reste une nouvelle à Bruno, puis il faut finir l'émission. Là. OK, d'abord, on va dire qu'un élément aussi qu'il disait, en plus de tout ce que je vous ai dit par rapport à ce qui se rapporte caractéristique des films de série B, c'est tous les films qui comportent, comme dans sa description, Linda Blair. Tout à fait d'accord. David Carradine, tout à fait. Sharon Tweed et Drew Barrymore. Drew Barrymore, c'est un petit plus. C'est une nouvelle. Ouais. Ça met du relief. Il a dit Shannon Tweed? Oui, il a dit ça, lui. OK, je l'avais comme dans la tête, puis là, je l'ai manqué. Vas-y, Bruno, shoot-nous ta dernière nouvelle. D'accord. Alors, les représentants de la ville de Elmhurst, en Illinois, considèrent l'option de créer une loi interdisant les comportements perturbateurs et la conduite désordonnée lors de rencontres officielles. Le tout a commencé lorsqu'une résidente a été expulsée de l'une de ses rencontres après avoir roulé les yeux et avoir soupiré. Don Storino, conseiller légal de la municipalité, fait des recherches en ce moment sur les différentes définitions de ces offenses afin de créer une charte claire de ce qui est ou n'est pas toléré. Une définition de conduite désordonnée sera alors ajoutée au code municipal. Storino affirme que l'affaire n'est pas à ajouter au code criminel. Ce n'est aucunement punissable par la loi, a-t-il affirmé. C'est plutôt une question de décorum. Voilà. Ben, c'est un héros de la démocratie, ce gars-là, ouais. Mon gars. Bravo. Tous. Fait qu'à cette heure, c'est la liberté d'expression parce qu'il n'y a plus personne qui peut ne pas être victime. Exactement. Hey, merci bien gros, Cédric Taillon. On va te checker ça. Tu viendras nous parler de ton salon de tatou là, pour savoir ben ouais. Plugger ton boss. Je viendrai tatouer live. Ça va être débile. C'est bon, tu me tatoueras live. J'ai pas de tatou, moi. Non, moi non plus. Même on en apprend un petit peu sur Bruno. Tu pourrais faire une séance d'auto-tatou? Ben, oui. Les gars, là, moi, je ferme les micros. Merci, Stéphane Cancetti. On va se revoir dans le futur. Ah, ben oui. Là, il va y avoir d'autres amis. On s'en va au brouhaha et écouter des films spéciaux, c'est-à-dire les aventuriers du système solaire. Aïe, je peux passer une de nos trames sonores de fin d'émission. Ça donne tellement bien. C'était Tommy Godette au micro pour 70%. Ceux qui pensent qu'ils connaissent rien, ben, arrêtez d'y penser. Aïe, aïe, c'est pas bon. Les veines me pètent dans le front. J'ai vraiment mal à mon ex-guitare. Le sang est dur. Faut écouter du côté. Kids out making a scene. Secret, whisper it on the line. Tell all the details one at a time.